Quitte à attaquer dans du nanar, autant attaquer une gloire nationale. Et je ne parle pas de Vercingétorix. Ça fait longtemps que j'entends parler d'Il était une fois le diable. A Devil Story. The nanar à la française. Bizarrement, les nanars français, j'en ai jamais vraiment regardé. Pas même le lac des morts-vivants. Je suis plutôt zenricain, genre Terror Toon, J.J. Denman ou autre Evil Bong. Bref, une double découverte pour moi. Et je n'étais franchement pas prêt. Je vais pas vous résumer l'histoire, j'ai rien compris. Il y a un chat qui griffe un monstre, qui tue, qui grogne, une momie qui explose. Ouais, à un moment, il y a aussi une nana à moitié à poil sous son imper. Elle passe tout le film à brailler. Bon, le film est nappé d'un fond musical hypnotique, tout à fait adapté au rythme nonchalant du montage. Alors, c'est une façon bien tournée de dire que c'est mou comme un flambi et monté en dépit du bon sens. Un véritable festival du faux raccord. Il y a quand même un point que j'ai trouvé positif, c'est les effets gore. Certes, ils sont nuls et très mal filmés, mais il y a un côté naïf et bon enfant dans ces trucages. Bah, j'ai été touché, quoi. Sans déconner, c'est pire que Beowulf ou Ken le Survivant. Une expérience qui n'est pas adaptée à tous, mais surtout pas seule.